Tes yeux se ferment sur le monde, plus rien ne sera comme avant, avant que les glaciers ne fondent et que cessent de souffler les vents. Il n'y a plus de bout de terre. La planète est une énorme goutte d'eau. La lune a changé d'univers. Les hommes sont tous dans le même à l'effet de serre, le prix de l'oxygène a augmenté. En manque, la gorge me serre. Il est trop tard pour se révolter. Les trous de la couche d'ozone augmentent le feu du soleil endiablé. C'est maintenant l'eau qui bouillonne. Au bain-marie, l'humanité.